Chapitre 21. Un vaisseau spatial gigantesque, transportant des milliers de voyageurs, remontait le bras de Persée. Sa coque était construite par le comète pour emmener les citoyens d'une planète membre à une autre, sans sortir de la zone protégée. Chaque pont du vaisseau recréait les divers climats habités d'une planète. Certains pouvaient être divisés jusqu'en 20 écosystèmes, et d'autres, peu nombreux, comme le pont Upléen, proposaient les mêmes conditions climatiques dans toutes ces cabines. Les conditions climatiques recréées au pont Upléas, convenant fort peu à Zélé et Ormaïn, les deux voyageurs avaient trouvé refuge au pont Spaiosa, qui se rapprochait le plus de leurs besoins physiologiques. Lové dans l'agréable moiteur reconstituée, Zélé comprenait de moins en moins comment les Niphiens du Pléas parvenaient à supporter l'infernale chaleur de leur planète. Étudier les aménagements des lieux de vie upléens ne lui apportait que davantage de sidération. Il lui était impensable qu'elle ait pu être maintenue dans l'ignorance si longtemps, alors que tout criait à l'escroquerie. La supercherie était-elle si grosse qu'elle était encore plus facile à masquer? Quelles excuses pouvait-elle se trouver pour ne pas s'être interrogée plus tôt? Si les Upléens avaient réellement été natifs du Pléas, ils auraient supporté le désert. Ils n'auraient pas eu à vivre dans des habitations troglodytiques, à recouvrir les murs de verrières pour atténuer la puissance d'éclairage de leur étoile Réas et sa chaleur. Ils ne développeraient pas de maladies liées à cet environnement. Elle avait grandi dans ce monde en acceptant les règles qu'on lui avait soumises, sans les remettre en question, alors qu'elles étaient absurdes. Elle avait cru vivre, tout comme ses concitoyens, dans un monde civilisé, loin des peuples barbares des planètes non membres du comète. Mais son espèce ne valait pas beaucoup mieux. Les individus de celle-ci avaient osé livrer en pâture à ces barbares leurs frères et sœurs. D'un côté, il y avait les mercenaires, qui pensaient que les Niphiens, sous prétexte qu'ils appartenaient à une autre espèce, pouvaient être exploités pour en tirer profit. Et de l'autre, des Niphiens étaient parvenus à un compromis pour sauver leur peau, sans même considérer que cette fuite ne devait être qu'une solution temporaire pour mieux revenir en force et bouter hors de leurs frontières ces esclavagistes. L'héritière pensa à la reine Zélaïdo, celle qui avait repris le trône avec le lourd fardeau de raviver la culture niphienne, alors que le peuple, désormais exilé sur Upléas, mourait en grand nombre. N'avait-elle pas haï son père, le roi Kouaïdo, pour avoir négocié de la sorte avec les mercenaires? Zélé savait que leurs relations n'avaient pas été des plus harmonieuses. Cette reine avait-elle imaginé un quelconque stratagème pour reconquérir Nikéas? Zélé avait grandi dans la vénération des reines upléennes, comme chaque upléen. Ce respect était ancré si fort en elle qu'elle ne pouvait les détester. Enfant, elle avait tant admiré Zélaïdo. Elle connaissait sa vie et ses grandes mesures par cœur, si bien qu'elle en avait rebattu les oreilles de Mimicha tant et tant qu'elle devait aussi connaître son règne sur le bout de ses 10 doigts d'humaine. Et quand sa nounou lui demandait de lui raconter l'histoire d'une autre souveraine, la petite Zélé haussait les épaules et repartait de plus belle sur d'autres anecdotes de sa reine fétiche. Aujourd'hui, elle s'en voulait de l'avoir autant glorifiée et de les avoir prises, Zélaïdo et Zeninouma, pour modèles. Zeninouma n'était pas en cause dans la chute de Nikéas, mais cela ne l'excusait pas d'avoir maintenu le silence quand sa mère, la reine Zewalkobi, lui avait transmis leur honteux passé. Les absences prolongées de Zeninouma n'avaient pas aidé à ce que Zélé développât une relation complice avec sa mère. Son besoin d'amour avait été comblé par Mimicha. Pourtant, la princesse n'imaginait pas rompre tout contact. Sa colère actuelle lui en donnait l'envie, mais dans les faits, elle en était incapable. La seule façon d'exprimer sa rancœur était de lui parler froidement et d'ignorer le protocole. Elle était peut-être faible de ne pouvoir la rejeter définitivement, mais elle préférait que sa faiblesse soit due à ses sentiments plutôt qu'à la peur d'aller à contre-courant. Pour le moment, elle gardait ses distances et échangeait avec elle le moins possible. Et il se trouvait que ce vaisseau spatial lui en donnait tous les prétextes, puisque le pont Upléen n'offrait pas aux organismes de Zélé et Ormaïn les conditions requises à leur bonne santé, il n'avait d'autre choix que de voyager séparé de la reine. Ce n'était qu'à l'embarquement que Zélé avait annoncé à Zeninouma qu'elle avait réservé 2 cabines sur un autre pont, laissant la reine estomaquée avec ses 3 cabines mitoyennes. Malgré sa réservation tardive, Zélé était ravie de l'emplacement de sa cabine et de celle d'Ormaïn, elles étaient situées l'une en face de l'autre. Depuis le début du voyage, ils avaient soigneusement évité la reine, mais leur isolement prendrait fin quand ils arriveraient à destination, ce qui n'était plus qu'une question d'heure. Avant de le revoir avec la reine pour le finaliser, ils peaufinaient leur discours en duo, qu'ils prononceraient devant l'assemblée exceptionnelle du comète, organisée expressément à leur requête. Zélé Ormain était installée dans un des confortables salons mis à disposition des voyageurs. Une fois débarqués, ils disposeraient d'encore quelques jours. Mais ils étaient conscients qu'ils n'auraient pas la tête à rester enfermés. Ce voyage leur offrait un temps de tranquillité et de concentration idéal. Seules les six planètes les plus proches, qui étaient aussi les planètes fondatrices, formaient le noyau de base des échanges principaux du comète et des rencontres diplomatiques. Les représentants politiques de chaque planète s'installaient majoritairement sur l'une des planètes fondatrices pour y séjourner le temps de leur mandat. Chaque planète désignait ses représentants selon ses propres règles. Ce pouvait être aussi bien par élection que par tirage au sort ou par concours. Sur les 18 planètes membres, seules 3 étaient des monarchies. De manière générale, ce n'était pas apprécié, mais tant que le peuple n'émettait pas le désir de basculer vers un autre système, le comète ne soumettait aucune requête au gouvernement de la planète concernée. Si Zeninouma avait suivi l'exemple de ses homologues, elle aurait passé sa vie dans le bras du Sagittaire. Au lieu de cela, elle avait traversé la galaxie un nombre incalculable de fois, par ses incessants allers-retours. Zélé n'imaginait pas passer sa vie à voyager, inutilement de la sorte. Jusqu'à récemment, elle aurait été prête à consacrer sa vie à perpétuer son héritage, parce qu'elle admirait ses modèles. Mais maintenant qu'elle les reniait, elle remettait en question tout son futur, et ce qu'elle devait accomplir durant son existence. Elle n'avait qu'un seul objectif, libérer Nikéas. Elle ne savait pas combien de temps cela prendrait, mais elle n'aurait de cesse que cela arrivât. Et ensuite, devait-elle déjà se projeter dans le futur, se concentrer sur le présent, sur les problèmes réels était ce qui importait le plus, se soucier de l'après, l'embrouillerait inutilement, voire la ralentirait dans l'atteinte de son objectif. Dans le salon voyageur, Zélé et Ormaïne étaient installés sur un canapé, se faisant face, chacun appuyant son dos sur un accoudoir, leurs jambes fléchies se rejoignaient sur le coussin du milieu. Ils échangeaient des idées de tournure, d'ordre d'exposition des arguments. Présenter les conditions d'élevage dans la région d'Ormaïne était simple. Il témoignait de ce qu'il avait connu toute sa vie. Concernant l'autre type d'élevage, il n'avait que le carnet de Xenia pour comprendre et décrire ce qui s'y passait. Zélé tenait dans ses mains une copie du carnet, annotée dans les marges et complétée de feuilles de notes volantes. Fascinée par la calligraphie des trois pèlerines, l'héritière avait décidé de recommencer à écrire. Les pointes de ses griffes rouges étaient teintées du noir de l'encre qu'elle utilisait. Il lui faudrait de nombreuses heures d'écriture pour atteindre un tel niveau de dextérité. Elle qui n'avait plus écrit manuellement depuis son implantation. Elle avait presque dû réapprendre à écrire, si bien qu'elle peinait à se relire. Ormaïne ne lui aurait été d'aucun secours. Il n'avait jamais appris à lire. Seul son implant pouvait le faire, à sa place. Et uniquement sur un texte propre. Pas sur les formes indistinctes de Zélé. Zélé, lança Ormaïne. Hum ? Répondit Zélé sans attention. Zélé gardait ses narines dans ses notes et continuait de griffonner ce qu'elle ne pouvait relire plus tard. Zélé ! Insista Ormaïne. Quoi, Ormaïne ? Elle leva la tête et regarda Ormaïne dans les yeux, et il resta figé un moment avant d'enfin enchaîner. Tu as conscience que je suis pétrifié d'aller parler devant tous ces inconnus dont notre sort dépend ? « Si je me plante, je condamne tous les miens !» s'inquiéta Ormaïne. « Que vas-tu imaginer, Ormaïne ? Toute cette histoire est la faute de la monarchie eupléenne. Leurs décisions se jouent en grande majorité là-dessus. Toi, tu seras très bien, et même si tu bafouilles ou tu te trompes un peu, ça ne changera rien. Tu es la preuve de ce que nous, eupléens, avançons. Au lieu de parler d'une situation floue, tu les mettras concrètement face au problème. Tu es une victime, ta présence aura un impact positif. Et je sais que tu seras très bien. » le rassura Zélé. Non, je ne serai pas très bien, ni bien. Ce n'est pas ma place, tout ça, reprit Ormaïne. Je ne suis pas qualifiée. Je vis dans la forêt. C'est à peine si je sais utiliser mon implant. Il y a beaucoup de choses que tu dis ou j'acquiesce sans avoir compris par peur de trop te faire répéter. Je ne suis pas assez intelligent pour parler à... Ormaïne, je t'arrête tout de suite. Tu es tout aussi intelligent et capable que n'importe lequel des représentants planétaires qui sera présent. Toi, ou moi, ou eux, nous valons tous autant. Ce n'est pas parce que ton monde ne baigne pas dans la technologie que tu es privé d'expression. La technologie ne fait pas l'intelligence. Tu me crois plus intelligente que toi, tu as bien tort. J'ai été tellement stupide pour notre voyage sur Nikéas. Non seulement j'ai laissé Zoku s'occuper d'organisations entières comme s'il s'agissait d'un simple week-end de vacances, mais je m'imaginais profiter des cours d'eau, comme tu m'en avais parlé, et regarder le lever de Réas. C'est sans aucun doute mon manque de clairvoyance qui nous a conduits sur Nikéas. Les Upléens vivent sur un monde pacifié depuis tant de siècles. Nous vivons protégés de toute horreur. Nous avons oublié ce qu'est le vrai danger. Tu crois être moins capable parce que tu sais à peine utiliser ton implant? En définitive, tu es bien plus capable d'affronter n'importe quel monde inconnu que moi, qui n'ai été confronté à la réalité qu'une seule fois dans ma vie. Tente à le rassurer, Zélé. Tu viens de me dire que j'étais aussi intelligent que toi, s'étonna Ormaïn. Absolument, voyons, s'indigna Zélé. Alors, comme nous sommes de la même espèce, tu viens d'admettre qu'un mâle nifien a la même intelligence qu'une femelle nifienne? Demanda Ormaïn. Oh, pitié, ne me sors pas ça, dit Zélé. Oui, bien sûr que vous êtes tout aussi capable que les femelles. Si tu savais comme j'ai honte d'avoir osé penser. Je pourrais accuser mon éducation, mais cette excuse n'est plus valable, passé un certain âge, dit Zélé. Même si je vais avoir du mal à me convaincre que je suis l'égal des représentants planétaires, reprit Ormaïn, tu ne peux pas nier que certaines personnes ont des prédispositions que d'autres n'ont pas. Je n'ai jamais pris la parole en public. Je suis quelqu'un de discret, je ne suis pas... Enfin, il y a plus qualifié pour... balbutia Ormaïn. Non, tu n'es pas Karoa et tu ne l'as pas à l'être, dit Zélé. À entendre et à prononcer ce nom, leurs cœurs se serrèrent. Ormaïn avait élevé Karoa, mais il ne lui avait pas manqué quand il vivait dans le cratère vert. Son quotidien sur Upléas avait été si différent. Il y avait mené une seconde vie sans presque aucun élément pour lui rappeler d'où il venait. C'était l'idée qu'à son retour sur Nikéas, quoiqu'à qu'il adviendrait, il y retournerait, il n'y retrouverait pas son grand ami Kawa. Quant à Zélé, elle avait beau n'avoir connu Karoa que 3 jours, il l'avait marqué à jamais. N'aie pas peur de prononcer son nom, Ormaïn. Ne pas le dire, c'est le mythifier, et transformer la réalité en une chose sacrée ou taboue, ce n'est pas sain, dit Zélé. Je peux parler de Mimisha, alors? Demanda Ormaïn. Bien sûr, et puis elle n'est pas morte. Mais tu ne l'as rencontrée qu'une fois, qu'as-tu à dire à son sujet? Demanda Zélé. Elle vivait à l'abri dans la sécurité du comète, et elle l'a quittée, ne t'inquiétude pas pour elle? Demanda Ormaïn. Misha n'était pas seule. Elle a retrouvé des congénères, et c'est de toute manière ce qu'elle voulait, repartir sur sa planète la Terre. Je suis sûre qu'elle est arrivée à destination maintenant, saine et sauve, et qu'elle lutte pour en faire un monde meilleur, répondit Zélé. Pourquoi avait-elle fui? S'interrogea Ormaïn. Elle ne me l'a jamais dit, répondit Zélé. Quand j'étais petite, elle me disait qu'elle avait traversé la galaxie pour me rejoindre, parce que son cœur l'avait poussée à venir à moi. J'aimais l'entendre dire ça, tout en sachant qu'elle fabulait. Je me rappelle qu'à 5 ans, j'ai insisté pour connaître la vérité. Et Misha, qui était toujours si souriante, son visage s'est durci d'un coup, ça m'a impressionnée. On la reconnaissait à peine, avec ce regard pénétrant. Elle m'a répondu, je sentais l'effort dans sa voix pour maintenir une certaine douceur dans son intonation, qu'elle me raconterait tout, quand je serais assez grande pour ne pas en faire des cauchemars, confia Zélé. Que t'a-t-elle raconté alors? Insista Ormaïn. Adolescente, je suis revenue à la charge. Je ne trouvais quasiment aucune information au sujet de la Terre sur le Rézark, et je ne pouvais même pas imaginer une histoire à partir d'articles de presse. C'était un mystère total. Je sais que je lui ai posé à nouveau la question, et qu'elle m'a répondu que si elle me répondait, je réaliserais que j'aurais préféré qu'elle ne m'eût jamais rien dit. Conclut Zélé. Xenia Ouamoa dit quelque chose de similaire dans le carnet, non? Qu'elles auraient préféré ne pas savoir. Pour finir, tu ne sais pas ce que Mimisha a vécu? Demanda Ormaïn. Disons que je suppose que les humains n'ont pas besoin de mercenaires envahisseurs pour semer le chaos sur leur planète. Oh, c'est insupportable! L'échange que j'ai eu avec elle à l'âge de 5 ans est si clair dans ma tête. Je revois tout, la zone de l'oasis où l'on se trouvait, sa tenue, la lumière tamisée de Réas qui disparaît pour l'hiver, peu de temps avant que le soleil artificiel ne prenne le relais. Je revois tout dans les moindres détails. et je n'avais que 5 ans. Et la deuxième fois, je ne me rappelle même pas de mon âge exact. Je ne me rappelle même pas du lieu, ni de la conversation qui a précédé ou suivi. Juste que ça a eu lieu. Peut-être qu'elle m'a donné quelques détails, vagues. Comment pourrais-je m'en souvenir? Tout ça, c'est dans ce fichu implant qu'il l'a enregistré, pas dans mon cerveau. C'est un misérable gadget dans ma tête qui possède mes souvenirs, alors qu'il ne devait être ancré que dans mes cellules grises et en rien d'autre, s'énerva Zélé. Parler de ses difficultés à vivre sans implant et à l'amertume d'avoir laissé à cet outil la capacité de lui prendre sa vie était la dernière chose dont Zélé avait besoin pendant son voyage, alors qu'elle ne reverrait pas le docteur Mirori de Cor d'ici 2 semaines. Ce n'est pas l'outil qui est à critiquer, plutôt l'usage que tu en as fait, dit Ormain. Tu l'as utilisé en toute confiance, sans te préoccuper de ce que son fonctionnement impliquait. Je sais, Ormain, tu parles comme Zoku. Il me l'a assez répété. Et je ne l'ai jamais écouté. J'en riais. Il y a des souvenirs que je parviendrai à reconstituer, à ressortir de va savoir quel tiroir caché de ma mémoire réelle. Mais je ne me fais pas d'illusions. Tout ne reviendra pas. Heureusement que Misha est arrivé vite dans ma vie. Je garde beaucoup de nos instants. Et les cours hors connexion, eux aussi, me sont parfaitement restés, finalement. Tu vas pouvoir remercier ta mère pour ça. La taquina Ormain. Voilà qui est ironique, Zélé. Ça ne me fait pas rire, Ormain. Et puis c'est à cause d'elle si tout cela est arrivé. Si Nikéas avait été libre, nous ne serions pas allés dessus. Ou plutôt, nous ne l'aurions jamais quitté. Et jamais je n'aurais connu l'état de manque et je ne serais pas en désintox. Rubis sacré, j'imagine les gros titres. L'héritière en cure de désintoxication. La dynastie des Zé a vraiment touché le fond. Son malaise s'exprima par un rire nerveux et forcé. Ormain rebondit sur le diminutif que Zélé employait quand elle faisait référence à son amie humaine. Quand nous sommes connus, tu l'appelais Mimisha, pas Misha, fit remarquer Ormain. Et avant de l'appeler Misha, je l'appelais Nounou Misha. J'avais presque oublié ce surnom. Et puis, en discutant avec Zoku lors de notre voyage vers Nikéas, nous avons évoqué nos souvenirs communs, et ce surnom est revenu. J'ai réalisé que j'avais arrêté de lui donner un diminutif affectueux, alors que je n'ai jamais cessé de l'aimer, confia Zélé. Tu te souviens de ta conversation avec Zoku à bord de la Gilgo? S'étonna Ormain. Oui, tu as raison, c'est un souvenir implantaire qui me revient, s'enthousiasma Zélé. En fait, je sais pourquoi j'ai commencé à la nommer uniquement par son prénom complet. C'est à cause de ses origines. Ses origines? S'étonna Ormain. Je t'en prie, Ormain, ne te fais pas une mauvaise image de Misha, comme je l'ai fait. J'étais tellement choquée de découvrir. Quoi? S'impatienta Ormain. La Terre n'est pas mieux que Nikéas. Tout ce qui est écrit dans le carnet, je sais bien que ça existe sur de nombreuses planètes non membres. Et la Terre en fait partie. J'aurais préféré que non. S'attrista Zélé. Alors c'est pour fuir cela que Mimisha est venue sur Upléas, pour fuir ses atrocités? Demanda Ormain. Oh non, sinon je ne l'aurais pas détestée. Elle était comme tous les terriens quand elle est arrivée ici. Elle était... Enfin, elle mangeait des cadavres. Confia Zélé. Ormain devint livide, sa respiration se coupa et laissa Zélé continuer. Elle ne savait même pas que des peuples vivaient dans le respect des autres espèces qui partagent leur planète. Elle est devenue végétalienne par obligation. La nourriture humaine disponible au sein du comète ne peut être que végétale. Un jour, alors que nous mangeions ensemble, elle me montrait des images de fruits terriens. Je les trouvais si bizarres, si différents des nôtres. Et on a parlé de plats traditionnels, et elle m'a énuméré des ingrédients. Et elle a prononcé le mot cadavre. Elle m'a dit que dans sa langue, il y avait tout plein d'autres mots pour désigner les bouts de corps que les humains mangent, mais que comme il n'existait pas en Upléen, elle me donnait celui le plus approchant. Ne la déteste pas, Ormain. Elle suivait sans réfléchir les habitudes de son peuple. Je ne déteste pas le peuple nikéen qui a quitté Nikéas pour Upléas. Ce sont uniquement les responsables que je blâme, ceux qui savent parfaitement et qui ne disent rien, qui ne font rien. Mais comment as-tu réagi quand elle t'a dit ça? S'enquit Ormain. Honnêtement, je ne me rappelle plus. Même si j'accédais à mon implant, je pense que je ne retrouverai rien. J'ai dû effacer cela, tant ce fut une révélation horrible ou une incompréhension absolue. Elle, Misha, si douce, si aimante, si tendre, s'attrista Zélé. Se révélait être une meurtrière, conclut Ormain. Si elle avait dû tuer qui que ce soit de ses mains, je pense qu'elle en aurait été incapable, fit remarquer Zélé. Heureusement pour elle, tu n'étais pas en manque de dionine, plaisanta Ormaïne. Pourquoi cela? Demanda Zélé intrigué. Parce qu'autrement, tu l'aurais massacré. Il pouffa et Zélé resta figé. Ce trait d'humour noir était loin de lui plaire. Finalement gêné, Ormaïne s'éclaircit la voix et préféra changer de sujet, malheureusement, pas pour devenir plus réjouissant. Je sais que tu ne veux plus voir ta mère, Zélé, et que tu prends sur toi pour la consulter et permettre à notre dossier d'être le mieux établi. Néridir lui fut reconnaissante d'emmener la conversation dans une autre direction, mais elle ne souhaitait pas évoquer l'épisode des tueries de la forteresse, et aussi, dans une moindre mesure, s'attarder plus sur les origines de Mimisha. Cela aurait pu construire de sa chère amie une mauvaise image dans l'esprit d'Ormaïne, alors que, depuis de nombreuses années, l'humaine avait compris et embrassé la philosophie de vie des peuples du Comet. Parle franchement, Ormaïne, n'essaie pas de m'amadouer avec des formules. Pitié, nous sommes au-dessus de tout ça, non? Oui, Zélé. Disons que je me rappelle très bien de toi sur Nikea, c'est que je sais que tu peux t'énerver très facilement. C'était la carence en dionine, Ormaïne. Aujourd'hui, mon implant est approvisionné normalement. Ma désintoxication ne joue pas sur mon humeur. Bien, bien, je te crois, Zélé. Ce que je voulais dire, c'est... Prends encore plus sur toi quand nous allons voir Zeninouma tout à l'heure. Tu te venges un peu en étant désagréable, mais je ne pense pas que ça serve notre cause, la supplia Ormaïne. Peut-être. J'ai du mal à savoir comment je dois l'aborder. Pour être certaine qu'elle nous aide jusqu'aux limites de ses capacités, j'ai l'impression qu'elle cache encore un secret et sa main supporte, confia Zélé. Après l'audition au comète, pose-lui la question, tout sera joué. Tu deviens un vrai stratège, mon cher Ormaïne. À qui la faute, ma chère Zélé? Ils se penchèrent à nouveau sur leur discours le temps restant. Puis, quand l'échéance ne put être davantage repoussée, vint la dernière étape. La relecture par la reine Zeninouma. C'était à Zélé Ormaïne de se rendre dans ses appartements au climat huppléen. Heureusement, la souveraine avait réglé la climatisation de sa cabine sur les mêmes paramètres que ceux du palais. Ormaïne tenta de détendre l'atmosphère, par tous les moyens. Il était agréable, souriant, attentif aux remarques et donnait son avis avec tact. Zélé, cassante au départ, essayait de prendre exemple sur son compagnon et le laissait parler quand elle manquait de perdre son sang-froid. Le temps d'évacuer toute pensée qui se transformera en observation contre-productive. L'héritière voyait bien qu'être aimable ne fonctionnait pas avec la reine. Elle reprenait immédiatement de grands airs et donnait des leçons, comme si Ormaïne, de par ses origines modestes, ne savait rien de l'univers et avait tout à apprendre, parce qu'elle avait tout vu et tout vécu. Plutôt que de lancer une répartie cinglante, Zélé triait les conseils avisés que donnait Zeninouma, perdu au milieu d'un débit de paroles vaniteuses. Il n'y eut qu'un point sur lequel mère et fille s'accordèrent alors qu'Ormaïne le qualifiait de fallacieux. La maladie de peau congénitale de Zélé n'étant connue de personne, il était aisé de jouer avec et de la manier à leur avantage. Zélé affirmerait que sa peau avait toujours été aussi saine et verte que celle de n'importe quel huppléen. Et ce ne fut que suite à leur excursion nikéenne que son épiderme se pigmenta de bleu. Les mêmes symptômes que Zoku, en plus fulgurants. Cette constatation forcerait le comète à comprendre que le climat du Pléiade ne répondait pas aux besoins physiologiques des Nyciens, ce qui était contraire à la charte même du comète. Un peuple ne devait pas s'établir durablement dans une région qui n'offrait pas les ressources et conditions climatiques nécessaires à sa prospérité. Ormaïne tenait à la totale véracité de chaque argument avancé, pendant que Zélé estimait que certains d'entre eux pouvaient être subtilement déformés pour obtenir le résultat souhaité. Zeninouma était prête à inventer de toutes pièces des constatations invérifiables pour appuyer leur requête. Dans ce cas-là, aussi bien Zélé qu'Ormaïne laissaient parler la reine sans rétorquer pour éviter de prolonger l'entrevue plus que de nécessaire. Ils conclurent qu'Ormaïne relaterait tous les éléments concernant le traitement réservé aux Nifiens nikéens, aussi bien son propre quotidien dans les galeries que celui des villageois de sa région et des conclusions qui pouvaient être tirées du carnet de Xenia. Zélé enchaînerait sur le danger grandissant que représentaient les mercenaires pour Eupléas et les effets bénéfiques du climat nikéen sur l'organisme nifien. Les travaux des parents de Mimisha ne seraient pas mentionnés, ni une quelconque connaissance de la situation actuelle par le gouvernement eupléen. L'important était d'obtenir gain de cause. En ressortant de là, Zélé et Ormaïn poussèrent à l'unisson un long soupir de soulagement et éclatèrent de rire. Il était temps de retourner dans leur cabine et de se préparer à entrer dans le trou de ver. Tous les passagers devaient être installés dans leurs couchettes et plongés dans un sommeil artificiel le temps de la traversée qui les mènerait en plein centre du comète. Job-Jo, la planète de leur séjour, occupait tous les hublots à tribord du vaisseau. Zélé s'était d'abord rendue dans la cabine d'Ormaïn pour admirer le spectacle, pendant que celui-ci dormait encore. Et elle était ensuite allée profiter davantage de la vue par la baie vitrée des salons communs. Parmi toutes les espèces présentes sur ce pont, elle était la seule nifienne et les passagers s'étonnaient que leur implant leur retournât son appartenance à cette espèce. Certains osaient aller jusqu'au bout de leur regard interrogateur en lui demandant directement si la couleur de sa peau était naturelle. Elle leur répondait sans gêne, amusée de constater qu'il y avait un peu plus d'un an, elle avait perçu Ormaïn de la même manière. Le vaisseau avait atteint le spatioport en orbite autour de Job-Jo. Pour se poser au sol, les voyageurs devaient utiliser les navettes qui reliaient les gares spatiales et terrestres. Avant d'embarquer dans une navette, chaque personne d'espèce non native devait choisir le type de scaphandre de survie qui lui convenait. Dernièrement, des ceintures génératrices de halo environnemental, entourant la personne et ne s'étendant pas à plus d'un centimètre de la peau, faisaient fureur. Elles permettaient de régler la température, la pression atmosphérique, le taux d'humidité et la composition de l'air. « N'est-ce pas de cela dont tu m'avais parlé une fois dans l'oasis, Zélé ?» demanda Ormaïn. « Ça ne me dit rien, » répondit Zélé. « Voyons si, quand tu m'avais dit que ta combinaison ne te permettait que des sorties limitées dans le temps, qu'il fallait forcément que tu reviennes dans le cratère vert pour t'hydrater correctement. Tu m'avais partagé des démonstrations de ce système en développement. Tu étais si impatiente que ces ceintures soient mises sur le marché. Tu te plaignais même qu'il y aurait sans doute un gros écart entre leur sortie au cœur du comète et sur Hubléas. Maintenant que tu me racontes tout ça, Ormaïn, c'est vague, mais oui, j'essaie de me souvenir. Zélé visionna l'hologramme de présentation du système, ainsi que des scènes de mannequins d'espèces différentes se déplaçant avec aise dans des écosystèmes totalement opposés aux leurs. Un des mannequins lui sembla familier, son visage ou sa démonstration avait peut-être davantage retenu son attention. Ormaïn se rappelait parfaitement de ce qu'elle lui avait dit, de son excitation à l'idée de ne plus dépendre de sa combinaison et des délais limités qu'elle offrait. Zélé, quant à elle, avait oublié jusqu'à l'existence de cette technologie révolutionnaire. Chacun ajusta sa ceinture autour de sa taille, et leurs corps apparurent comme recouverts d'une gélatine bleu marine, translucide. Ce n'était qu'un effet d'optique créé par le dispositif. Le halo était imperceptible par le porteur. Ils disposaient de 4 jours Job-Jo, avant leur audition auprès de l'Assemblée, soit la durée de 9 jours et demi hupléens. Ils comptaient garder leurs habitudes de vie et ainsi profiter de 9 journées de tourisme. Zélé examinait les brochures des différentes destinations, avec l'étrange sensation de s'être rendue sur certaines, mais sans aucun réel souvenir. Elle laissa Ormaïn choisir ce qui le tentait le plus, et ils se retrouvèrent en route vers une chaîne de montagnes enneigées, dont une forêt devenait de glace en cette saison. Ormaïn n'avait pas été séduit par l'idée de Zélé de s'adonner au tourisme. Il pensait plutôt s'acharner à lire et relire son discours. Mais l'héritière avait fini par le convaincre qu'ils avaient suffisamment travaillé dessus pour effectuer une pause et qu'un voyage de découverte ne serait que bénéfique à leur présentation. Leur halo les protégeait du froid, ce qui leur donnait une apparence singulière. Ils arpentaient un décor givré, avec des vêtements hupléens, la peau plus dénudée que couverte. Ils se baladaient dans un labyrinthe de glace, suivant les couloirs naturellement formés lors de la gelée. Pendant la saison des pluies, la température chutait drastiquement dans cette région montagneuse, et la végétation détrempée se cristallisait. Aussi bien les végétaux que les animaux s'étaient adaptés à ce phénomène. Les plantes s'endormaient pour mieux refleurir lors du dégel, et les animaux, quant à eux, faisaient des réserves et vivaient entre les murs de glace tout l'hiver. Les promeneurs pouvaient les admirer vivre leur vie comme si de rien n'était. Ils en étaient même moins farouches, parfaitement conscients qu'ils étaient en sécurité derrière la paroi gelée. La vie en ces lieux s'était adaptée aux éléments indomptables. Les espèces animales vivant ici avaient choisi de rester plutôt que de migrer, quitte à être prisonnières un certain temps, pour mieux retrouver leur liberté au printemps. Leur prison de glace leur était même bénéfique. La température extérieure continuait de baisser, mais la glace les isolait du froid, toujours plus prononcée, et les maintenait à une fraîcheur soutenable. Aucun habitant de Nikéas n'avait choisi d'être prisonnier ou exploité, privé de ses droits. Les Niphiens étaient des marchandises, et Zélé imaginait facilement que les mercenaires chassaient les autres espèces animales pour s'en nourrir. Depuis des siècles, tous ces meurtres perpétrés. Il lui semblait que même si elle n'avait partagé aucun lien avec Nikéas d'aucune sorte, elle aurait eu son mot à dire sur ces atrocités, au simple nom de la justice, au nom des plus faibles. À l'instar de ces créatures, si la possibilité de fuir leur planète était offerte aux Nikéens, la saisirait-il? Voudrait-il absolument rester à se battre pour libérer leur terre? Les pensées et observations venaient à l'esprit de Zélé et d'Ormaïm. Quoi qu'ils fassent, où qu'ils aillent, Nikéas les hantait. La planète et sa situation horrifiante avaient pris possession de leur être. Ils sentaient en eux que la libération, s'ils parvenaient à l'obtenir, ne serait que le commencement d'un long travail de réhabilitation. Zélé observait ces animaux autochtones se déplacer dans ce tunnel de glace. Il la considérait à peine, vaquant à leurs occupations dans l'ignorance totale de leur public. Ormaïn comprenait qu'elle cherchait à se souvenir si elle avait déjà croisé ces espèces autrefois, en vrai ou via le Rézarque. Mais aucun animal n'allait s'arrêter pour l'étudier avec intérêt, et, par ses yeux expressifs, faire comprendre qu'il la reconnaissait. Combien de touristes voyait-il passer chaque hiver? Et au nom de quoi se souviendrait-il de leurs observateurs? C'était un sentiment irréel que de se promener paisiblement en ces lieux en étant conscient à la fois de ce qui se passait à des milliards de kilomètres de là, et que suite à leur intervention dans quelques jours, tout pourrait basculer. Le silence enrobait la forêt, les animaux semblaient s'exprimer, mais leur voix était tue par les parois. Zélie regardait leurs lèvres ou organes vibratoires bouger sans qu'aucun son ne lui parvienne. Le calme avant la tempête de sable, souffla Zélie. Quelle tempête de sable, Zélie? C'est une expression, Ormaïn. J'ai la sensation d'être en sursis. Pour le moment, rien n'a changé. Les mercenaires continuent leur business, et puis, qui sait, bientôt. Et en attendant, nous sommes ici. Tout me paraît si lent. Je fais une chose à la fois. Je devrais être en train de traiter plusieurs affaires. Quand la possibilité de diviser mon esprit avec l'implant, comme je le voulais, m'a été retirée, j'avais l'impression d'être improductive, de rater plein de choses. Les jours étaient si courts. Et maintenant, avec le temps, je suis plus concentrée et j'en viens à penser et que si ma seule personne ne peut pas gérer tout ce que je gérais avant avec l'implant U, eh bien que d'autres m'aident à le gérer. Pourquoi toutes ces décisions graves, ce règne, ne seraient les fruits que d'un seul esprit, alors que ces décisions sont précisément prises pour d'autres? S'interrogea Zélé. Tu m'as dit que tu voulais mettre un terme à la dynastie des Zé, répondit Ormaïn. Ça ne suffira pas. Il ne suffira pas de supprimer une reine installée par le droit du sang pour en mettre une autre que le peuple aura choisie. Les Upléens baignent dans ce culte de la monarchie. Ils reproduiront l'exact même schéma, à l'exception que les règnes seront des mandats. Il faut un système qui amènera chaque citoyen à s'impliquer concrètement. Mais j'aurai besoin d'aide, c'est au-delà de mes compétences. Et ça ne peut pas se faire seul, par définition. Et je veux que ça se fasse vite. Je ne veux pas consacrer ma vie à une transition de régime. Disait-elle. Avec le scandale de Nikéas, les Upléens rejetteront ta mère, de cela devrait t'aider, la rassura Ormaïn. Rien n'est moins sûr, Ormaïn. Il l'aime tant. C'est de l'aveuglement. S'il y a un point que je ne peux prévoir, c'est la réaction du peuple. Aussi atroces soient les révélations, ils peuvent préférer pardonner l'impardonnable plutôt que d'affronter l'inconnu. S'attrista Zélé. Ils passèrent l'équivalent de 6 jours upléens dans la région. Plutôt que de courir après les destinations touristiques, ils avaient finalement préféré rester dans cet endroit paisible et reposant. Chaque journée réglée sur le même rythme. Longue phase de sommeil, longue promenade de plusieurs heures dans une partie différente de la forêt, et d'interminables pauses repas, où Zélé sentait qu'elle pouvait avaler de plus grosses bouchées. Il tenait à dormir beaucoup, presque trop, car une fois dans la capitale du comète, il devrait vivre au rythme des journées de la planète. Le temps leur paraîtra alors très long, et ils seraient éreintés dès le premier jour. Sans compter qu'ils agissaient sans doute là, de leur dernière occasion de tranquillité avant longtemps. Dans la capitale du cercle galactique, un hôtel était dédié à l'accueil des représentants planétaires. Un peu dans le même esprit que le vaisseau spatial les ayant conduits ici, chaque étage correspondait à un type de climat et chaque planète membre possédait un appartement propre. Tous les climats des planètes abritant une civilisation étaient recréés. Il y avait assez d'appartements pour loger les représentants de toutes les planètes civilisées connues. Le comète avait pour secret espoir qu'un jour la Voie lactée entière serait pacifiée et que les différentes nations seraient toutes unies par un même désir de fraternité. Personne n'était naïf au point de croire que cela finirait par se réaliser, mais il était impossible de désigner qui seraient les esprits réfractaires. Alors il valait mieux prévoir la place pour tout le monde, et les sièges qui devaient rester vides resteraient vides. Cet optimisme pour l'avenir arrangeait les affaires de l'héritière Upléenne, qui ne comptait plus être hébergée dans l'appartement réservé à Upléas. En se présentant à la réception, Zélé et Romarine sélectionnèrent ce qui correspondait le plus au climat nichéen parmi les logements vacants. Entre ces quatre murs, ils pourraient se passer de leur halo. À leur arrivée aux abords de la planète Jobjo, la reine n'avait pas perdu de temps en vagabondage et s'était immédiatement rendue dans cet hôtel qu'elle connaissait si bien. Bien qu'elle était venue accompagnée de l'héritière Upléenne, elle y séjournerait une fois de plus seule. Néridia pensa que bientôt, si tout se déroulait selon leur plan, le logement vacant qui leur avait été attribué porterait l'appellation Nikéas et que celui d'Upléas serait rayé de la liste. La réception de l'hôtel avait accueilli la requête d'attribution d'un autre logement avec étonnement, sans pour autant être obstinée. Dès le lendemain, ils seraient entendus à l'assemblée. Pour le moment, il leur restait une soirée de tranquillité. Zélé tenait à aller admirer le coucher du soleil, qui était quotidien dans la capitale, et Ormaïne ne demandait pas mieux que de se balader dans un nouveau décor. Les Dunifiens traversaient le hall et se dirigeaient vers la sortie de l'hôtel, quand Zélé fut interpellé par une représentante planétaire, qu'elle ne reconnut pas. Son implant ne pouvait plus l'aider à scanner son visage pour l'identifier, et encore moins lui remémorer les échanges qu'elles avaient pu avoir ensemble. « Princesse Zélé Dupléas, est-ce bien toi ?» demanda l'inconnu. Mal à l'aise, Zélé ne pouvait s'en tirer d'une pirouette en répondant que la personne faisait erreur, puisqu'elle se trouvait dans le hall même de l'hôtel réservé aux représentants planétaires. Et elle retrouverait sans doute cette personne dès le lendemain matin au sommet. Avouer qu'elle n'avait aucune idée d'à qui elle avait affaire ou confesser que ses échanges passés avec cette personne étaient stockés dans son implant auquel elle disposait d'un accès restreint, n'était pas non plus une option judicieuse. Elle devait trouver une réponse diplomatique qui ne froisserait pas son interlocutrice, et voilà que le silence allait se faire pesant. Ormaïne, heureusement, intervint, et cela lui permit de réfléchir davantage pour trouver une parade. Enchantée, je suis Ormaïne, représentant de la planète Nikéas, et accompagnateur de la princesse Zélé. À qui ai-je l'honneur? Néné, néné, néni, huc. Représentante de Spayoesa. Nikéas, je ne trouve rien au sujet de cette planète sur le Rézarque. Bientôt ce ne sera plus le cas, je te le garantis, lui dit Ormaïne. Ce que de mystère ! S'esclaffa-t-elle de bon cœur. Comment as-tu reconnu Zélé ? Continua Ormaïne. Tu n'as jamais pu la voir avec cette teinte de peau bleue. Teinte de peau ? Je suis une pésonéarde. Mon espèce ne voit pas les couleurs. Néné, néné, néni, huc. Eh bien, j'étais ravie de vous revoir. Nous sommes quelque peu pressés. Excellente soirée. Et à demain à l'assemblée, conclut Zélé. Excellente soirée, représentant Upléen. Et Nikéen, je présume? Tout juste, la salve Ormaïne. Le soleil Jobjon venait de se coucher. La colline en haut de laquelle Zélé et Ormaïne s'étaient installés baignait désormais dans l'obscurité. Et la ville qu'elle surplombait était à peine perceptible. L'éclairage des rues restait discret pour ne pas s'étendre au monde sauvage et déranger le moins possible la vie nocturne des autres espèces animales. Au cœur de la ville, un grand jardin s'étendait et une statue gigantesque trônait en son centre. L'obscurité ne parvenait pas à totalement dissimuler le monument tant il était haut. Il occultait trop de lumière pour que sa présence ne fût pas perçue. « On pourrait se promener dans le parc là-bas, Zélé, non ? Je me demandais ce qu'est la grande, commença Ormaïne. Oh oui, je sais ce que c'est, viens, s'enthousiasma Zélé. Zélé agrippa Ormaïne, et ils furent immédiatement en route vers le jardin. Les transports en commun n'allaient pas aussi vite que la princesse l'aurait souhaité, et ils eurent même à patienter entre plusieurs correspondances avant d'arriver au pied de la statue. Sur son socle, une inscription était gravée dans toutes les langues de la galaxie. Joaquin, être de justice et de sagesse. De lui, je m'en rappelle, dit Zélé. Qui est-ce, Zélé? Demanda Ormaïne. La légende fondatrice des idéaux du comète, clama Zélé. Rien que ça, plaisanta Ormaïne. Oui, il n'a sûrement jamais existé, mais ce n'est pas grave. Les Jobjons, enfin, l'espèce civilisée, est carnivore, et la légende raconte que le premier Jobjon, doué de raison, nommé River, horrifié de découvrir qu'il devait tuer pour se nourrir et vivre, se donna la mort, ne supportant pas sa condition. Le deuxième Jobjon, doué de raison, Joaquin, plutôt que de se suicider, se jura de mettre un terme à la malédiction de son espèce et d'éduquer les siens dans cette voie. Aujourd'hui et depuis des millénaires, les Jobjons n'ont besoin de tuer personne pour vivre, même s'ils sont dotés de crocs et de griffes acérées. Je me souviens de cette histoire parce que je l'avais citée en exemple à Misha. S'ils ont pu le faire, toutes les espèces de la galaxie le peuvent.